c'est toujours arrivé que les... tu sais, quand même, Margaret Thatcher, elle avait l'étoffe des dictateurs. OK, c'était pas une folle, c'était pas un tyran, c'était pas une totalitaire comme Adolf Hitler ou Franco ou Mussolini, mais les personnages autoritaires qui font des réformes difficiles comme celles qu'elle a faites en Angleterre, ils émergent toujours dans des périodes de crise, de chaos, d'extrême difficulté ou de difficulté urgente. Et présentement, c'est pas le cas ici, puis on le voit bien, tu sais. Bon, ça pourrait être mieux, on serait plus riche s'il y avait moins de gouvernement, ça irait mieux si le gouvernement fonctionnait plus, fonctionnait mieux, s'il était plus efficace, mais on n'est pas en crise. À ce moment-là, ça va être très, très, très difficile. Ça serait très étonnant qu'on fasse un virage d'austérité ici au Québec qui va affecter la majorité de la population sans y être obligé. Excellent point. On en est quasiment rendu, des fois, là, je me lève le matin, M. Aubin, je suis quasiment rendu à souhaiter qu'on ait une crise. Puis je m'explique, un téléphone de maudise, une décote, faudrait qu'il arrive quelque chose de grave qui fasse en sorte qu'au bout du compte, on va être obligé de réformer l'État. Une coupure dans les paiements de péréquation, par exemple, de manière unilatérale par le fédéral, quelque chose qui va arriver de l'extérieur, un élément de l'extérieur qui va déstabiliser notre confort. Oui, bien évidemment, on peut pas le souhaiter non plus, parce que, regarde, écoute, ça fait mal, ces affaires-là, tu sais, il faut que tu te fasses arracher un bras pour te sauver, parce que t'es pris dans un piège, c'est toujours des médecines radicales, j'espère que on va finir par mieux comprendre comment est-ce que notre société fonctionne et comment est-ce qu'on peut la gouverner mieux pour éviter justement ce genre d'extrême-là. Par exemple, si vous regardez la commission Charbonneau, on a accepté, puis on le savait, là, tu sais, que les coûts des travaux publics à Montréal étaient de 35 à 40 % plus élevés qu'à Québec ou à Toronto. Mais, c'est comme ça, c'est que comme c'était le gouvernement, on payait, puis on posait pas de questions. Maintenant, on est en mesure de dire, comment se fait que ça coûte cher de même, puis d'aller voir. Alors, je pense que, tu sais, à un moment donné, on finit par avoir comme citoyen, puis j'imagine qu'on va mettre de la pression sur les politiciens aussi pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'éviter de rentrer dans le mur. Parce que quand on va rentrer dans le mur, ça va faire mal. Mais je suis déprimé. En terminant, je suis quand même déprimé de voir que dans tout ce discours-là, effectivement, c'est positif. On parlait pas de gauche et de droite il y a 10 ans, mais il y a quand même la montée ou le réveil d'une gauche radicale alimenté entre autres par Québec solidaire, puis certaines franges radicales du mouvement étudiant qui viennent dire, dans le fond, la dette c'est pas important, et le déficit zéro ce n'est pas important. Il y a ce mouvement-là qui est encore très présent et très fort au Québec. Oui, c'est ça, mais moi c'est pas les gens en marge qui m'inquiètent, c'est les gens au pouvoir. C'est juste d'entendre là que le gouvernement, il a pas dit non à l'idée d'absorber le 15% de crédits fiscaux sur le fonds des travailleurs que le fédéral vient d'annuler. Voilà un bel exemple d'un gouvernement conservateur qui regarde ça et qui dit pourquoi est-ce que les payeurs de taxes subventionnent un fonds de pension comme le fonds des travailleurs alors que les autres fonds de pension ne sont pas subventionnés. Exact. Il dit, bon, mais écoute, ils sont milliardaires, ils sont corrects, ils sont lancés, on arrête ça. Voilà un exemple de coupure d'un gouvernement qui essaye de gérer ses dépenses. Qu'est-ce que la FTQ fait? Ils se retournent vers Québec et Québec dit pas non. Ça veut dire que toi puis moi, peut-être l'année prochaine, on va financer 15% de rabaissement fiscal pour les gens qui vont confier les épargnes au fond des travailleurs. Et c'est comme ça qu'on est arrivé là où on est, par toutes petites décisions isolées les unes des autres. Plutôt que d'avoir pris, comme en Angleterre, la décision de dire, OK, on est socialiste, on s'en va dans cette direction-là. Et le danger, il est là parce que le gouvernement, il est toujours vulnérable aux pressions, justement, de ses amis et des gens qui l'élisent. Très bon. Merci beaucoup, M. Aubin. Très intéressant. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Benoît Aubin, chroniqueur au Journal de Montréal. C'est intéressant, non? C'est intéressant, c'est inquiétant en même temps. Et oui, ça revient aux politiciens de changer les choses, mais à qui? Ouais. À qui? Celui qui va s'élever. Celui qui va s'élever puis qui va décider que c'est C'est bon, hein, son lien avec les dictateurs. Tu sais, dictateurs, s'il y a une chose qu'on peut leur donner, c'est qu'ils ont souvent un charisme impressionnant. Mais dans son cas, lui, il a dit que ça avait rien à voir avec... ce que je veux dire, c'est ça, là. C'est que un dictateur, c'est un grand leader mal intentionné. Qui écrase la liberté. Exact. C'est ça que je veux dire. Qui va contre sa population souvent, puis pour les intérêts de d'autres, puis pour, tu sais, tu comprends, là, mais ce que je veux dire, c'est que quand il est devant une foule, la foule lève pour lui, là. Tu sais, il est capable de se faire aimer juste en parlant, juste en... Donc, si quelqu'un a ce caractère-là, mais est capable de l'envoyer dans la bonne direction, c'est génial. Tu sais, là, tu peux te déplacer des montagnes. C'était qui le dernier au Québec? Lucien Bouchard. Moi. Pas mal, oui. Hein? J'essaie d'y penser. Là. Joseph Facal n'a pas... Je l'adore, mais il n'a pas cet ascendant. Non, ça prend quelque chose. Ça prend du coffre. Ça prend une espèce de... D'autorité. De l'ampleur. Tu sais, quelqu'un qui il parle, soudainement, ça, tu sais même pas pourquoi tu arrêtes de parler. Tu l'écoutes. C'est comme une radiation de caractère, de charisme, d'autorité. Ouais. Mais ça, c'est pas ça s'apprend pas. Hein. Non, ça se donne pas, ça s'achète pas, ça s'emprunte pas. Exact. Là. Live à traduwix.com. Et vous êtes dans Morelai.